c'est le retour de l'aérien. J'étais tout deep sur le beat. On débarque en équipe et ça fait bang bang dans ta ville. Notre son te cache les vitres, le tien manque de charisme. Mon poste ça fait une équipe du Bronx à Paris. C'est Bosnia Airlines, 100% punchline. Irish thug life, ta carrière c'est un freestyle. Ouais on est allé, on est international. Du Danemark au States en passant par l'Allemagne. On est tout part de Pologne jusqu'en Italie. Tu peux pas tester la Mike European League. Tu me parles de rap mais qu'est-ce que tu connais réellement? À part les grosses billages et les chicots pleins de diamants. Nous on donne ça à l'ancienne, nique sa mère si ça l'arsène. Quand on débarque on prend le mic, c'est pour brûler la scène. Entends les coups qu'on assène sur les ondes hertziennes. Un verre de flotte à la scène, big up à DJ Brain. C'est comme Tony et Manny, on est potes aujourd'hui, un jour je lui enlèverai la vie. Sur ma vie, dans ma ville, du potentiel à toutes les portes. Les tunes, soit tu les craches, soit tu les avortes. Du bon son que j'apporte, avec la plume du ghetto. Le mic, on veut sa peau, moteur Mustang sous le capot. T'es fort comme Ronaldo, je suis puissant comme Eto'o. Tu brailles dans mon dos, mais j'ai la classe à Ibramo. Batringue, reviens me voir dans une centaine de textes. Tu gères pas ton ex, tu veux gérer le rap et la thèse. Non mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce mon phrasé qui te blesse, qui te laisse la bouche ouverte, la musique, ma princesse. Le texte, c'est joie et tristesse, force et robustesse. Sur le titre, la Pologne FLX N2S. Alors te prends boire pour ce que tu n'es pas. Tes ennemis fais les parodés, mais surtout nous les tu bois. Beaucoup me croyaient mort, mais je n'ai pas lâché le rap. Lâche-moi la grappe, wesh, pose, je chromate. Quand il s'agit de construire, rien ça râle, rien ça mate. Trop simple de détruire, mais votre haine me gâte. J'ai de la peine pour vous, elle me laisse un sale coup. La conscience est une butte que l'homme a dressé tout doux. J'ai encaissé des coups, j'suis resté debout. Je ne suis pas devenu fou, jamais tombé dans ce trou. Eh ouais, je fais du rap et je fais des études. Ce son est un guide qui rend les choses moins rudes. Il me donne ce que j'ai pas parmi tous ceux qui m'entourent. Il guide mes pas, il me guide tout court. Pas besoin de clip, je ne suis pas dans ce trip. Donne-moi un beat que je te donne, un thème ou ego trip. Et je tripe sur mon ego, kick jusqu'au mégot. Je suis pas là pour l'ego ni pour toucher le magot.